Chapitre 19. Second carillon. Faut-il aller ouvrir, mon officier ? Dit enfin Kermadec. Ouvrir, ouvrir, tu en parles bien à ton aise. Qui diable peut nous arriver ici ? Ces gens mériteraient qu'on les laissât se morfondre jusqu'au jugement dernier pour leur apprendre à venir déranger de la sorte un malade. Un troisième carillon, pressant, énergique, lui coupa la parole. Les gaillards semblent impatients, fit observer Patrice en souriant. Qu'en dit notre charmante hôtesse ? Faut-il tolérer que ces intrus supplémentaires envahissent sa demeure ? Notre solitude est terminée pour toujours, répondit Atlantis avec une dignité douce. Chariclès, j'en suis sûre, permettrait à ces nouveaux venus de pénétrer chez lui. Tenant sa place, je prends sur moi d'en donner l'autorisation. Va, jeune et agile serviteur, poursuivit-elle en s'adressant à Kermadec. Va saluer de la part de Chariclès les voyageurs égarés. Offre-leur l'eau lustrale, le pain et le sel, et conduis-les en ces lieux, lorsque tu les auras débarrassés de la poussière du voyage. La poussière, c'est une façon de parler, pensa Kermadec en se mettant en devoir d'obéir. M'est avis qu'ils doivent plutôt être couverts de coquillages et de varech, mais enfin, allons voir. Il sortit, gardant son dandinement pharaon de matelot, et quelques minutes s'écoulèrent. Puis, on entendit retentir des exclamations de surprise, et soudain Kermadec rouvrit la porte toute grande et, s'effaçant sur le seuil, annonça à haute voix, la figure épanouie dans un large sourire, « Son Altesse, Monsieur le Prince de Monte-Cristo, et Monsieur le Capitaine Sacripanti, qui désirent présenter leurs devoirs à ces dames et à ces messieurs. » René et Patrice eurent un vif mouvement de contrariété. Un froncement de sourcils assombrit le front de Madame Caudal, qui ramena son châle sur ses épaules, comme pour mettre une barrière entre elle et ses fâcheux. Hélène ne put retenir un sourire malin. Quant à la fille de Chariclès, elle attendit placidement l'entrée des deux visiteurs. Ils ne se firent pas attendre. Le prince, portant beau à sa coutume, le nez au vent, l'oreille rouge, le chapeau sous le bras, s'avança en vainqueur et salua les dames. Derrière lui, Sacripanti, plus pommadé, mieux pourvu que jamais de chaînes, de montres, de bagues et d'épingles de cravate, esquissait des révérences qui visaient à être obséquieuses et qui n'étaient que grotesques. « Monsieur le capitaine Sacripanti a bien voulu m'accompagner en qualité d'interprète, » dit le prince d'un geste majestueux. « Toutes les langues anciennes et modernes lui étant également familières, j'ai pensé que ses services me seraient inappréciables pour communiquer mes idées à l'intéressante famille qui a fixé ici sa résidence. Et à propos, mon cher Caudal, contentez de grâce l'envie qui me dévore, présentez-moi à ce noble vieillard et à son adorable fille, car je présume que mademoiselle est bien la fille de monsieur. En effet, dit René d'assez méchante humeur, mais veuillez remarquer que notre hôte, Chariclès, n'est en état pour le moment d'accueillir aucune présentation. Expliquez-nous plutôt d'où vous sortez et comment vous voici en ces lieux, car sur ma parole, je n'y comprends rien. C'est comme qui dirait un endroit qui devient un peu banal, dit sans façon Kermadec, usant de son franc-parler. Hein? Quoi? Banal? Fit le prince en s'installant à l'aise dans une chaise d'ivoire qui craqua sous son poids. Sache, mon brave, que n'importe quel lieu où se trouve le prince de Monte-Cristo ne saurait être qualifié de banal. Mais pour répondre à votre question, mon bon Caudal, je le ferai à la mode irlandaise par une autre question. N'avais-je pas vu mademoiselle? Mes faibles yeux n'avaient-ils pas entrevu ce miracle de grâce et de beauté lors de notre mémorable descente dans le scaphandre de la Cinderella? Sans doute, dit René impatienté. Eh bien, ai-je besoin de donner une autre explication? Pour qui connaît Monte-Cristo, la chose ne va-t-elle point toute seule? Voir cette merveilleuse beauté et être décidé à la revoir ne pouvait faire qu'un pour moi. » Et il promena autour de lui un regard empreint de la plus vive satisfaction. « Te voilà supplantée, ma pauvre Hélène, dit à demi-voix Madame Caudal. « Et certes, tu ne t'en plaindras pas, je crois. » « Cela ne nous explique toujours pas comment vous êtes descendu ici, » reprit René très froid. « Ah, mon cher Caudal, avec votre habituelle justesse d'esprit, vous mettez le doigt sur la plaie. Le scaphandre étant, vous le savez mieux que personne, absolument hors de service. J'ai pensé d'abord à en fabriquer un autre pour redescendre ici seul, puisque vous m'aviez inopinément quitté. Et puis, ma foi, je me suis dit que le plus simple serait encore de m'informer de vos mouvements et de me modeler sur vous. Mon honorable ami, le capitaine Sacripanti, a bien voulu, en raison de certaines compensations pécuniaires, se charger de ce soin. « Vous m'avez espionné, en d'autres termes, » dit vivement René. « Oh, espionné est un mot trop fort, mon cher ami. Vous ne vous cachiez pas, que je sache. Sacripanti, ayant appris que vous faisiez construire un bateau sous-marin, visible au public, je n'ai pas eu de peine à présumer le but que vous vous proposiez. Et comme mes coffres princiers ne sont pas encore à sec, j'ai tout bonnement commandé un bateau semblable au vôtre, chez vos constructeurs même. Le mien a été terminé peu de jours après la Titania. J'ai pris la mer en compagnie de mon excellent ami, et me voici. Je ne m'attendais guère, ajouta galamment le prince, à trouver en ce royaume sous-marin si nombreuse et si charmante compagnie. Pas plus, certes, qu'on ne s'attendait à vous y voir, dit brusquement René. Mais, Patrice, je ne me trompe pas. Notre vénérable hôte paraît donner quelques signes d'animation. Ne serait-il pas à propos de recommencer nos tentatives? Pour lesquelles je me mets, est-il besoin de le dire, à votre entière disposition, appuya Monte Cristo d'un air noble. « Les lois de l'hospitalité sont sacrées. Je ne croirais pas déroger en prodiguant mes soins à ce vieillard vénérable. D'ailleurs, si j'en juge d'après les apparences, parfaitement bien né. » René se détourna d'un mouvement d'impatience, et le docteur et lui, secondés par Kermadec, reprirent les applications d'électricité que la venue du prince avait interrompues. Pendant qu'ils prodiguaient leurs efforts auprès du vieillard, Monte Cristo et Tantalis, oubliant les escarmouches qui avaient jadis signalé leurs relations, redevinrent pour le moment les meilleurs amis du monde. Hélène et Atlantis causaient à l'écart, s'amusant des erreurs que commettait la jeune grecque dans la langue française, si sommairement enseignée par René au cours des longues causeries qu'ils avaient eues au chevet du malade. Seul, Sacripanti restait inoccupé, mais sans paraître se soucier de l'abandon où chacun le laissait, il allait et venait à travers la vaste salle, furetant, regardant dans tous les coins, et semblait trouver fort à son goût les merveilles qu'il y découvrait. Enfin, au bout d'une heure environ d'applications électriques, Chariclès, toujours étendu sur sa couche de pourpre, poussa un profond soupir. Il ouvrit les yeux, ses bras s'agitèrent, il fit un mouvement pour se soulever. René le soutint par les épaules. Le vieillard promena autour de lui un long regard. À l'aspect de tous ces visages inconnus, il parut frappé d'une profonde stupeur. « Où suis-je ? » murmura-t-il. « Serais-je déjà au pays des ombres ? Quels sont ces étrangers auprès de ma couche ? Où rêvais-je encore ? » ?»« Je suis là, mon cher hôte, » dit René en lui pressant affectueusement la main. « Atlantis ! » ajouta-t-il en élevant la voix. Atlantis accourut, légère comme une ombre, au chevet de son père, et lui entourant le cou de ses bras charmants, elle le couvrit de baisers et de larmes joyeuses. Le vieillard la pressait faiblement sur son cœur. « Cher, cher enfant, poursuivait-il, je te revois, cher Atlantis, mais dis-moi, qui sont ces étrangers? D'où sortent-ils? Existent-ils en réalité? Ou ne sont-ils que des fantômes créés par mon cerveau malade? Quand je m'endormis, je te laissais seul auprès de ma couche avec notre jeune ami, et maintenant je crois vous voir si nombreux. Quelle est cette noble femme au front majestueux, adoucie par ses cheveux blancs? Elle ressemble à la mère d'Hector, et ses vêtements noirs font ressortir la blancheur de son visage. Quelle est cette nymphe charmante qu'on croirait ta sœur, enfant, et qui me rappelle l'image que nous a laissée Homère de la douce Briséis? Elle porte un nom qui ne te paraîtra pas étrange, père. Elle se nomme Hélène, dit Atlantis en souriant. Elle est sœur de René. Une Hélène innocente et pure, dit le vieillard avec bonté. Approche, jeune fille, laisse mon regard affaibli contempler la jeunesse et la beauté rayonnante sur ton front. Sans doute cet homme au visage grave, au regard fier, sera bientôt ton époux. Le ciel bénisse votre union. Il paraît le frère de René. Cette question inattendue fit monter le rouge à la joue d'Hélène et à celle du docteur, mais sans y entendre malice, Chariclès reprit. « Et cet homme d'âge déjà mûr, à l'air infatué, est-il aussi de votre race? Ton père peut-être, ô René. » Et le vieillard déguisait mal l'impression peu favorable que lui produisait Monte Cristo. Celui-ci attendait depuis trop longtemps l'occasion de se produire. Il comprit ce que demandait Chariclès à la direction de son regard. « En effet, Caudal, vous tardez bien à me présenter, » dit-il d'un ton de reproche. « Expliquez, je vous prie, à ce vénérable prince qu'il peut traiter avec moi d'égal à égal, que ma race, sans me flatter, peut rivaliser d'antiquité avec la sienne et qu'enfin, Monte Cristo est d'assez bonne maison. » Il se rengorgea d'un geste de fierté. René, en peu de mots, mit Chariclès au courant de tout ce qui s'était passé pendant son long sommeil. Le vieillard, ranimé par quelques gouttes d'un vin généreux que le docteur lui fit boire, écouta avec le plus vif intérêt tous ces détails. Il crut se rappeler vaguement, et comme à travers un songe, le bruit assourdi du timbre à la porte d'eau. Il remercia Patrice d'un ton de noble simplicité, de la peine qu'il s'était donnée pour lui. Adressa à Madame Caudal, sur le courage dont elle avait fait preuve en descendant avec sa fille, des éloges qui l'auraient rendue toute confuse si elle y avait compris un traître mot. Avec le sens du beau dont un grec ne pouvait manquer, il n'eut garde d'oublier les louanges à la beauté maternelle et douce de la pauvre dame. Il reconnut avec plaisir Kermadec, dont la figure ouverte et la leste tournure avaient toujours eu son approbation. Seul, Monte Cristo et son acolyte semblèrent lui déplaire, et s'étant inquiété de savoir si on avait négligé envers eux aucun rite hospitalier, il ne s'occupa plus de leurs encombrantes personnes. Mais un tel état de choses ne faisait pas l'affaire du bouillon Monte Cristo. Après une conférence agitée avec le capitaine Sacripanti, dans un coin de la salle, ils reparurent tous deux près de la couche du malade, Monte Cristo doucement ému, Sacripanti de plus en plus pareil à un valet de place maltais. « Prince Chariclès, bredouilla le levantin en mauvais grec, je viens, au nom du prince de Monte Cristo, dont on vous a appris la généalogie, vous adresser une requête. Parle, dit Chariclès en fronçant involontairement le sourcil. Le prince de Monte Cristo est resté célibataire, ce qui ne pourra manquer de vous surprendre, étant donné son âge et la place qu'il occupe dans le monde, commença pompeusement Sacripanti, pendant que Madame Caudal se faisait expliquer à mesure ses paroles par René. Pourquoi, continua l'interprète, « mon noble ami est-il arrivé à ce milieu du chemin de la vie dont parle le poète? Que dis-je? Pourquoi l'a-t-il même dépassé déjà? Pourquoi sa race antique a-t-elle risqué jusqu'à ce jour de s'éteindre, faute de rejetons, alors que le premier soin d'un homme de famille illustre semblait devoir être d'assurer la continuité de sa maison? Pourquoi, en un mot, le noble Monte Cristo n'est-il pas encore marié? Ce n'est toujours pas faute d'avoir demandé la main de chaque jeune fille qu'il rencontrait, nous en savons quelque chose. » murmura à part soi Madame Caudal énervée. Sacripanti, ayant posé son problème, s'arrêta un instant et roulant autour de lui des yeux en boule de loto. Chariclès attendait d'un air de résignation courtoise la suite du discours, tandis que le prince hochait la tête en signe de complaisance. « La raison, je vais vous la dire, » cria soudain Sacripanti, « c'est que l'illustre prince, le grand seigneur, le très noble et très puissant souverain de l'île de Monte Cristo n'avait jamais, jusqu'à ce jour, trouvé chaussure à son pied. Je veux dire une fille d'assez bonne maison pour s'allier à la sienne. Oh oh, fit Madame Caudal pendant qu'Hélène la tirait doucement par la manche pour la supplier de se taire. Cette fille l'a trouvée, reprit Sacripanti en désignant d'un geste théâtral Atlantis qui l'écoutait, gracieusement appuyée à l'épaule d'Hélène, dans une attitude inconsciente qui rappelait celle des cariatides de l'Érectéion. « La voici, noble prince. Elle est ta fille, et seule digne par sa naissance de devenir la mère des fils de Monte-Cristo. J'ai l'honneur, moi, indigne, de te demander sa main pour lui. » Et Sacripanti balaya le sol de sa casquette dans un salut mirifique, tandis que Monte-Cristo, rouge comme une tomate et les yeux hors de la tête, s'avançait déjà vers Atlantis étonné pour appliquer sur son front le baiser des fiançailles. « Arrête !» cria Cariclès, devinant son intention. « Calme tes transports, comte Monte-Cristo. Certes, ma fille est honorée de ta recherche, et tous deux nous t'en remercions, mais son jeune cœur s'est déjà donné. Déjà, moi, son père, j'ai mis sa main dans celle de ce jeune homme qui, premier des humains, descendit à cette demeure et vint y chercher ma fille. Elle ne peut devenir ta femme, car elle a promis d'être celle de René. Ha ha ! Fit à demi-voix Madame Caudal, emportée par le désir de remettre l'infortuné Monte-Cristo à sa place. « Voilà qui va vous gêner un peu, mon pauvre monsieur. A-t-on jamais vu une jeune fille qu'il vient de voir pour la première fois il y a 20 minutes, et quand il n'y a pas un mois, il était tout feu, tout flamme pour des personnes qui ne sont pas bien loin d'ici. Je vous demande un peu si cela a le sens commun. » « Ma fille et son jeune ami ont obtenu mon consentement à leur union. » continua Cariclès. « Il ne leur reste plus maintenant qu'à solliciter celui de cette mère admirable qui ne craignit pas pour revoir son fils de braver les terreurs de l'abîme. Pouvons-nous douter qu'elle l'accorde? Que reprocherait-on à mon Atlantis? N'a-t-elle pas reçu des dieux en abondance les dons les plus divins? Jeunesse, beauté, innocence, la lumière la plus pure de l'esprit, la douceur la plus parfaite du cœur. Ô Atlantis, enfant bien-aimé, tu fus le modèle des filles. Ton vieux père mourra sans regret, puisqu'il te confiera cette nouvelle famille si digne de te recevoir. Approchez, noble femme, que nos mains à tous deux se joignent à celles de nos enfants. Cariclès, vous donnant sa fille, fermera en paix ses yeux pour l'éternel sommeil. » Il prit avec majesté la main de sa fille. René, Hélène, Patrice entouraient Madame Caudal d'un air suppliant. Atlantis, un peu effarouché, fixait sur elle un regard irrésistible. Un dernier coup d'œil sur le visage gonflé de dépit de Monte-Cristo acheva de vaincre Tantalis. D'un geste de tête résolu, elle s'avança jusqu'auprès de Cariclès, et saisissant la main de René, elle la joignit à celle d'Atlantis. Après quoi, elle fondit en larmes, mais Atlantis lui jeta les bras au cou et l'embrassa d'une façon si filiale, si respectueuse et si naïve, que ses dernières résistances s'évanouirent. « Allons, » dit la pauvre mère en lui rendant ses baisers, « puisqu'il le faut, renonçons à mon rêve. C'est absurde, on n'a jamais vu un mariage pareil, mais il n'y a pas à dire, elle est charmante. Et quand nous lui aurons mis une de tes robes, Hélène, vous êtes à peu près de la même taille, on ne trouvera pas une jeune fille à l'Orient qui lui aille à la cheville, comme on dit. Ce brave homme de père m'a tout l'air d'avoir raison. » Au fond, ce doit être la meilleure petite fille du monde, et une fois qu'il l'aura tirée d'ici, instruite et civilisée. Civilisée ? Interrompit René indigné. Mais ma mère, regardez-la, c'est une déesse, une princesse d'Homère, civilisée. Enfin, je m'entends, dit Madame Caudal un peu piquée. Je te l'accorde, moi, ton Atlantis, tu n'as rien à me reprocher. « Accorde-moi à ton tour qu'elle a des façons un peu bien étranges et qu'elle ferait un singulier effet à la préfecture maritime. » René allait répondre avec trop de vivacité, mais Patrice vint mettre les belligérants d'accord par quelques paroles raisonnables, et Madame Caudal ayant entrepris sur son conseil d'examiner les progrès d'Atlantis en français, elles s'installèrent à côté l'une de l'autre sur une pile de coussins. La docilité aussi bien que l'intelligence de son élève ne tardèrent pas à ravir d'aise Madame Caudal et à lui suggérer l'espérance de rendre en peu de temps sa future belle-fille tout à fait présentable. Monte-Cristo, grandement offusqué de son échec, s'était retiré à l'écart. Quant à Sacripanti, il avait disparu depuis quelques instants, ainsi que Kermadec, lorsque la porte s'ouvrit en coup de vent et l'interprète, échevelé, hagard, parut sur le seuil. Grand Dieu, le feu est à la maison !» s'écria Madame Caudal en sautant sur ses pieds, oubliant le lieu où elle se trouvait. « Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il » cria-t-on de toutes parts. Pendant quelques instants, le capitaine Sacripanti resta hors d'état de parler, roulant des yeux terrifiés, portant tantôt la main à sa tête et ayant l'air de s'arracher les cheveux, tantôt désignant du doigt la direction d'où il venait. Il présentait une image, grotesque autant qu'alarmante, de la plus abjecte terreur. « Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a ? » cria René en courant à lui et en le secouant d'importance. « Il est devenu fou, je crois. Parlez donc, imbécile !»« Là, là !» fit enfin le capitaine d'une voix étranglée. « La porte, il est ouverte !»« Quelle porte ? On ne pourra plus la refermer. Nous sommes prisonniers !» Aimé, continua le capitaine, miséro d'Aimé, que j'ai vécu pour voir ce jour, qu'on m'a ruiné ma carrière. Prisonnier parce qu'une porte est ouverte, voilà qui paraît bien singulier, dit Madame Caudal étonnée. Que diable nous chante-t-il là? S'écria Patrice. Prince, votre capitaine semble avoir complètement perdu la tramontane. Comprenez-vous un mot à ce qu'il dit? Ma foi, pas grand-chose, dit le prince assez inquiet. « Mais à coup sûr, il paraît hors de lui !» Enfin, à force de questions, on parvint à démêler la cause de l'effroi du Levantin. En furetant de côté et d'autre, il était allé se promener vers la porte d'eau. Là, il avait rencontré Kermadec, pestant et jurant de son mieux. Le brave garçon avait bien quelques raisons de manifester sa colère. En quittant leur bateau, le prince et Sacripanti l'avaient laissé côte à côte avec celui de René, qui était placé tout juste en dedans de l'entrée dans la chambre inférieure. Par une fâcheuse malchance, le lourd bateau d'acier s'était couché sur le flanc le long du premier, de manière à peser sur la porte, si bien qu'au moment où elle s'était ouverte, il avait barré le passage. Impossible, étant donné le poids de la machine, de le déplacer, de refermer la porte. Impossible partant de remplir de la chambre et par conséquent de remettre les bateaux à flot. Ainsi que l'avait fort bien dit Sacripanti, cette porte ouverte menaçait de les retenir prisonniers jusqu'à la consommation des siècles. On juge de la terreur générale quand tout le monde eut compris la situation. Chacun, sauf Chariclès et sa fille, qui considérait non sans quelque surprise cette violente agitation, se précipita vers le petit havre pour juger de l'état des choses. Rien n'était plus vrai que la nouvelle, et à moins d'un miracle qui vint dégager la porte, on ne pouvait imaginer par quel moyen on sortirait de cette impasse. Une stupeur les immobilisa tous au premier abord, mais bientôt chacun revint à son naturel, tandis que le prince s'abandonnait à un désespoir quasi aussi bruyant que celui de son capitaine, et qu'ils échangeaient d'amers reproches sur la stupidité dont ils avaient fait preuve en laissant leur bateau en si gênante posture, Madame Caudal avait pris sa nièce dans ses bras comme pour la protéger de toute sa faible force. Hélène s'efforçait de cacher la crainte qui lui glaçait le cœur, et Patrice, René et Kermadec, sans se laisser abattre, discutaient déjà avec ardeur des moyens à mettre en œuvre pour renflouer le malencontreux bateau.